franceinter.fr. Bonsoir. De 1968 à 1990, Jacques Chancel recevra 5000 invités dans Radioscopie. Trouver les émissions les plus intéressantes est parfois un véritable travail d'archéologue, et ce ne sont pas les invités les plus connus qui font les meilleurs programmes. Au fil de mes recherches, je suis tombé sûrement sur la perle, l'invité le plus étonnant qu'a dû recevoir Jacques Chancel. Et pourtant, il est aujourd'hui totalement oublié. Le 7 novembre 1971, Jacques Chancel recevait Ernest Gegenbach, un homme d'église, auteur d'écrits surréalistes, mystiques et occultistes. Dans quelques instants, vous allez entendre, sans doute, une des radioscopies les plus croustillantes diffusées sur France Inter. Ernest de Gegenbach, c'est un nom difficile à prononcer. Gegenbach, Gegenbach ou Gegenbach. Ah, je vous réponds de suite. Gegenbach est le nom d'une des plus belles villes allemandes, du duché de Bade. Un peu avant Louis XIV, quantité de Badois se sont fait, ont franchi le Rhin, sont devenus français, avant que l'Alsace ne soit annexée à la France. Et je suis le fils d'un officier de ses descendants de ces familles-là. Je suis le fils d'un officier français mort pour la France en 1918. Il y a donc, en dehors de ma famille, une famille américaine qui porte le même nom que moi, une famille suisse-allemande près du lac de Constance et la mienne qui est française. Alors il se trouve que nous sommes peut-être français avant les Alsaciens. Ernest de Gegenbach, nous prononcerons ainsi, vous êtes pour le moins un personnage singulier. Vous êtes l'enjeu, et depuis longtemps, d'un duel gigantesque, le duel entre Dieu et Satan. Alors, vous êtes-vous retrouvé... Ah non, c'est pas entre Dieu et Satan, c'est entre Satan et la Vierge Marie. Nous le verrons tout à l'heure. Alors, vous êtes-vous retrouvé, ce sera peut-être le sujet de notre entretien, ancien prêtre Dreyfrocké, vous avez... Non plus. Vous me le direz tout à l'heure. En tout cas, c'est noté dans toutes les études. Oui, c'est faux, c'est André Breton mais qui vous est êtes, fausse. Vous êtes là pour vous de expliquer aujourd'hui. On dit que vous avez célébré les messes noires, et là, je dois c'est dire... C'est faux. Vous l'avez écrit une fois. Vous l'avez écrit dans une brochure, oui, j'ai oui, célébré oui, la oui, messe oui, noire. Ça, c'est un rêve onirique. Je n'ai pas écrit ça comme une chose. En tout cas, vous êtes, Ernest Gegenbach, le dernier des surréalistes. Bon, nous sommes encore trois. Trois, lesquels? Prévert. Admettez-vous Soupeau. Ah oui. Vous l'admettez. Mais c'est une période. Il s'est brouillé avec Breton. Alors, nous restons Prévert, Dali. Je ne peux pas nommer Queneau, puisqu'il a lâché le surréalisme. Brasseur vient de mourir. Prévert, pour moi, c'est seulement un poète. Bon. Au-delà du surréalisme. Alors, il reste... Dali, un génie de la peinture, disons que vous êtes le surréaliste. Actuellement, oui, je suis avec Soupeau, si vous voulez bien l'admettre, et Aragon. Quel âge avez-vous ? Aragon, 69 ans depuis ce matin. Et vous vous glorifiez du titre de poète maudit ? Ah, pas maudit. Je me glorifie du titre de poète surréaliste. Ce n'est pas la même chose. Parce que je ne crois pas qu'il y ait une barrière infranchissable entre la poésie surréelle et le surnaturel chrétien. Je l'ai dit dans tous mes ouvrages. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, j'en citerai quelques-uns. Oui, ça n'a pas grande importance. Si, tout de même, qu'il y ait référence pour ceux qui nous écoutent. Oui. Et que l'on sache où vous retrouvez. Il y a Satan à Paris, il y a cette lettre à Bernanos sur la bombe atomique, c'est-à-dire sur la fin du monde. Ah, ça c'est très important, mais on n'en parle plus. Et ensuite, il y a Judas, ou le vampire surréaliste. Oui, ça n'a pas grand importance. Et puis il y a Adieu à Satan. Alors vos conversions, Ernest de Gegenbach, sont nombreuses. Vous avez appartenu à Dieu, à la Vierge, ensuite vous êtes allé du côté de Satan, et puis vous avez abandonné Satan et vous revenez vers Dieu. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Bon, il est temps de faire le point. C'est la question que vous me posez. Alors là, en somme, vous me demandez, qui êtes-vous? N'est-ce pas, Chancel? C'est bien de ça qu'il s'agit tout de suite. La question est très directe, mais enfin, vous la posez, vous y répondez comme vous le voulez. J'ai constaté en écoutant souvent vos émissions, à vous, Jacques Chancel, que vos interlocuteurs étaient aussi prolixes de détails anecdotiques sur leur jeu passager, terrestre, éphémère, historique, que réticent et évasif lorsqu'ils étaient interrogés. D'ailleurs, ça, je vous en félicite, à la fin des émissions, vous essayez toujours de les questionner sur ce sujet-là. Lorsqu'ils étaient interrogés par vous sur ce qui intéresse leur moi profond, immortel, dans ses rapports avec ce que Teilhard de Chardin appelle la théosphère, c'est-à-dire Dieu, l'éternité, la mort, l'amour, l'univers supraterrestre. C'est-à-dire les questions essentielles. Les questions essentielles. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? Vous pouvez répondre? Moi, attendez. Quand je les entends mettre ainsi en valeur avec complaisance leur personnage social, je pense à cette phrase de Rimbaud. La vraie vie est absente, l'existence est ailleurs, et j'ai noté que Rimbaud est mort chrétiennement, avec les sacrements. J'ai envie de leur dire, quels que soient vos succès ou réussites littéraires, artistiques, scientifiques, politiques, tous ceux que vous faites défiler devant vous, mondain, il n'affecte que votre personnage. Or, le personnage que vous avez devant vous, comme moi, Jean Genbach, en ce moment, s'il ne se livre pas à vous, vous ne s'en saurez rien du tout. On ne sait jamais l'essentiel d'un personnage. Ce serait prétentieux de le croire. Le personnage, parce que notre moi profond. Seul compte le développement, l'épanouissement du moi profond et celui du personnage. Alors moi j'ai envie de leur dire, quand j'écoute les causeries que vous avez avec tous ces gens qui vous parlent comme tout dernièrement, je n'ai pas entendu Gabriel Marcel hier parce qu'il est prodigieux ce monsieur-là. Mais enfin... Il est prodigieux. Oui. Quand j'entends un monsieur autour, je ne veux pas nommer, qui vous raconte sa tournée de bistrot la nuit dans les cafés avec le nom d'un maréchal. C'est Antoine Blondin, je crois. Ah oui, je le tiens pour l'un des plus grands romanciers. Oui, oui, je sais bien. Mais enfin, tout de même, quoi, il y a des gens qui nous écoutent et qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, et que ça n'intéresse pas de savoir qui va la nuit dans les bistrots. J'ai envie de leur dire, vous ne pouvez pas admettre que vous n'êtes qu'une ombre, une marionnette éphémère. Un acteur qui s'agite quelques instants sur la scène terrestre pour disparaître dans la coulisse, qu'il s'appelle De Gaulle, Pompidou, ou qui vous voudrez, ou Picasso. Mais vous vous agitez, vous aussi, sur la planète terrestre. Mais oui, mais je sais bien que ce n'est pas mon moi vrai qui s'agite. Je suis un personnage aussi. Nous sommes tous déguisés, vous chancelez comme moi. Famille, patrie... Mais heureusement que nous sommes déguisés. Famille, patrie, religion... Civilisation s'ingénie à nous habiller en poupées humaines à partir de l'instant où nous venons au monde, à la mode contemporaine et passagère. Il s'agit de retrouver son vrai moi, que ce soit celui de Chancel ou celui de Jean-Genbach, son vrai moi éternel, réel, profond, sous tous ces oripeaux d'arlequin dont on nous afflue dès que nous venons au monde. Qui suis-je, vous me demandez? Souvenir d'une forme passée, je crois que j'ai vécu au Moyen-Âge, je crois à la réincarnation. Ébauche d'une forme future, je sais qu'à chaque migration d'une existence qui chevauche les siècles, je dépose au vestiaire d'outre-tombe, quand je meurs, comme une peau de serpent, la défroque usée d'un personnage qui a terminé son rôle pour revêtir un nouveau costume. Nos vies ne sont que des balles masquées pour revêtir un nouveau costume. Nos vies ne sont que des balles masquées, je l'ai dit, et la délivrance ne sera accordée qu'à celui qui n'ira plus au bal, qui ne sera plus déguisé et qui ne trichera plus. Oui, mais là, alors, Jean-Genbach, c'est une profession de foi, c'est presque une profession alors, écrite. Alors, si vous me demandez, qui suis-je, hein, Jacques Chancel? Oui, alors j'attends. Eh bien, là, au fond de moi-même, je suis un homme qui devrait être prêtre et qui ne l'est pas. Je suis un homme qui est... Alors, j'ai dit tout à l'heure, prêtre défroqué. Ah non, oui, ben non, mais non, justement, tout ça est faux. C'est absurde. Le André Breton a joué sur l'équivoque Abbé Jean-Genbach. En 1925, grâce à Dieu et heureusement, les séminaristes portaient la soutane, comme les militaires portaient l'uniforme. Ils n'avaient pas honte de la livrée du Christ et ils l'affichaient socialement, publiquement, comme moi. Je l'ai fait. Seulement, les oukases ecclésiastiques de cette époque-là étaient terribles. C'était, si vous voulez, abominable, et puis c'était très bien. À partir de l'instant où vous quittiez même quelques secondes cette livrée, vous étiez en état de révolte, de rébellion. C'est-à-dire, vous trahissiez votre promesse de fidélité au Christ. Alors, les mesures disciplinaires ecclésiastiques s'appliquaient immédiatement à tout prêtre, tout séminariste qui quittait sa soutane. Maintenant, ils sont habillés comme les voyageurs de commerce, ils ont une cravate, ils sont même habillés d'une façon absolument lamentable, et ils ne portent plus la livrée du Christ. Expliquons tout de suite, Ernest. Alors, moi, je me suis habillé pour aller à une pièce de théâtre, je me suis mis un soir en civil, car on ne pouvait pas aller à une pièce de théâtre, on était regardé par tout le monde, et on était en soutane. Sans raison. Mais est-ce que vous aviez une vocation religieuse? Ah oui, je l'ai toujours. Ah, vous n'avez qu'à demander à ma femme. Je ne peux pas souhaiter sa mort. Mais si jamais elle disparaissait de ma vie, je serais immédiatement... la première chose que je ferais, ce serait d'aller vers un monastère. Et pourtant, au départ, vous alliez vers Dieu. Ensuite, eh bien, vous l'avez abandonné. Mais j'y vais toujours. Aujourd'hui, vous ne pensez qu'à le retrouver. Eh bien, évidemment, je ne pense... qui voulez-vous que j'aille retrouver? Seulement, voilà, c'est un Dieu qui m'est surtout apparu sous son aspect féminin de la Vierge Marie. Ça va chercher très loin, il nous faudrait toute une conversation en partant de Goethe et d'Éternel féminin. On se demande, les surréalistes, ils se sont suicidés. Ceux qui se sont suicidés, c'était tous des chrétiens, des baptisés. Ils se sont demandé, mais enfin, tout se passe comme s'il y avait une absence de Dieu dans le monde, une non-présence et un silence que nous ne pouvons plus supporter. Alors, de deux choses l'une, où on nous a menti quand nous étions enfants en catéchisme en nous disant qu'il y avait un Dieu qui était bon, qui avait créé cette terre qui était bonne, et alors nous considérons que cette terre, il n'y a plus maintenant, on va vers une démence sanguinaire, avec vous avez demandé l'autre jour à Fernand Mazière à propos de l'île de Pâques, l'effondrement des continents vers lequel nous allons, tous les textes sacrés du catholicisme, de l'Inde, partout nous avertissent qu'avant l'an 2000, il va se produire la même chose que ce qui a provoqué l'effondrement de l'Atlantide et de cette île de Pâques. Vous croyez à la fin du monde? Je ne crois pas à la fin du monde, je crois à la fin d'un continent. Maintenant, l'Europe est une terre et l'Atlantique est un océan. Alors, il y a eu, je crois, un crime. Vous avez posé la question à Fernand Mazière. Il vous a dit... Francis Mazière. À Francis Mazière. Il vous a dit, écoutez, Chancel, je connais les hippies, mais quand ils voient que deux grands empires, comme la Russie et l'Amérique, dépensent des milliards, et encore, je ne m'occupe pas des bactéries, puisque c'est encore plus abominable que la bombe atomique, ce qui est tout préparé pour anéantir tout germe humain sur la planète, par des insecticides ou par d'autres épidémies, mais la bombe atomique, etc. Il vous a dit, je comprends, puisque vous avez interviewé aussi l'auteur de Ni Marx ni Jésus, Jean-François Revel. Oui. Oui, je comprends que toute cette jeunesse, il vous a dit que c'est d'Amérique qui va partir la grande révolution. Pas de mai 68 à Paris, c'est de là que va partir la grande révolte contre ce monde déshumanisé, déspiritualisé, avec cette technocratie mécaniste scientiste, qui fait que les textes de prophétie sur l'anéantissement du monde avant l'an 2000 aboutissent à l'anéantissement de l'Amérique et de la Russie principalement, et pas de la France, avec chute d'une partie de la Lune sur l'Amérique et la Russie. Ernest de Jean-Jacques Bach, nous allons revenir... Alors maintenant, sortons de ces hauts domaines... Non, nous allons résumer un peu. Il y a au départ cet appel vers Dieu... ce désir d'entrer dans les ordres, ensuite cette cassure avec l'Église, et à ce moment-là, vous allez du côté de Satan. Est-ce que c'est une vengeance, et à quel moment vous avez choisi de quitter Dieu? Autrement dit, vous voulez me dire qu'il y a contradiction entre ma vocation indubitable sacerdotale et mon apostasie spectaculaire du catholicisme, suivie d'une activité satanique, érotico-sacrilège, qui m'a valu le surnom, autant d'André Breton, de pape du satanisme. Allez, pape du satanisme ou Judas? Oui, ouais, Judas, ça, on s'en fiche, c'est le titre d'un bouquin qu'à la fin j'ai édité quand j'ai vu que tous mes écrits sur la Sainte Vierge étaient repoussés. Maintenant, l'Église me demande pardon, me dit, si seulement on avait su, parce qu'on se rend bien compte qu'on ne pourra prendre les hommes que par une maternité, une tendresse. Alors, on me dit maintenant, après 20 ans, alors il faudrait que vous nous fassiez connaître vos écrits sur la Vierge. André Breton, à qui je dois tout, parce que quand mon évêque m'a fait quitter la Sautane, je dois tout littérairement, entendons-nous. Hein. Oui. Jean-Jacques Bach était un illustre inconnu. Quand mon évêque m'a fait quitter la Sautane, il paraît que j'aurais dû, si j'avais observé les convenances ecclésiastiques, lui demander audience pour m'expliquer avec lui et le faire revenir sur sa décision. Je ne l'ai pas fait, c'est du protocole. J'ai un peu de sang espagnol dans mes veines quand j'ai vu que, alors que je n'avais commis aucune faute, on m'ordonnait de quitter la Sautane des quantités de crétins tonsurés ou par la porte. Séance tenante, à la seconde même, j'ai dit alors maintenant, ton Église et moi, tout est fini, à tout jamais. Donc c'est une vengeance. C'est une vengeance. Alors, ma mère m'a mis à la porte. J'étais à Plombières-les-Bains. Je n'avais plus de refuge que ma mère, puisque j'avais perdu mon père à la guerre. Ma mère, alors j'avais ma soutane sur le dos, et j'avais quelques pauvres affaires, ma soutane et vêtements ecclésiastiques, dans la cantine d'officier de mon père, mort à la guerre. Elle me met ma cantine, me ferme la porte et me met dehors. Alors, je me trouvais donc chassé de l'église et chassé de ma famille. J'ai trouvé... il se trouvait que j'avais été reçu dans un grand salon mondain de Plombières-les-Bains chez une amie de Clémenceau. C'est Clémenceau qui m'a aidé quand il a su tout ça. Géraldi, Le poète qui est encore vivant, je crois, la seconde où je vous parle, apprenant ça, athée, matérialiste, Maria-Germaine Lubin, cantatrice à l'opéra, m'a dit, on ne peut pas laisser ce jeune homme dans une situation pareille. Il m'a donné un de ses costumes, une cravate, une chemise, et je suis devenu un laïc, mis à la porte, dans le pays même, par sa mère et par l'Église. Alors, une de mes cousines qui était institutrice à Gérardmer, dans les Vosges, m'a reçu chez elle pour que je puisse tout de même me reposer un peu. Et puis, la révolution surréaliste venait de paraître avec une enquête sur le suicide. On venait de me communiquer le numéro 2, en disant « La vie est tellement absurde et horrible qu'on se demande si le suicide pour un homme qui est digne de s'appeler un homme n'est pas la seule solution. » L'enquête menée par Louis Aragon, entre les Bretons, et c'est donc on ne peut plus... Elle est au centre et son dette, d'ailleurs, à la seconde où je vous parle, qu'à cette époque-là. Je lis ce numéro... Et j'envoie une lettre à André Breton en l'appelant à mon secours. Voulez-vous, à qui voulez-vous que je m'adresse? Il y a Jean Cocteau qui me connaissait. Je ne savais même pas, il n'était pas célèbre comme il est devenu après. J'écris à André Breton qui me dit « Votre lettre me bouleverse, à quelque endroit que vous soyez de la France, je suis prêt à aller vous rejoindre tout de suite à vous tendre la main. » Je n'ai trouvé de chaleur affective. Vous savez, dans la vie, quand vous êtes perdu, imaginez que vous soyez seul là sur un radeau dans l'océan, et que ce soit un de vos ennemis, ou pseudo-ennemis qui vous tendent la mare, là, ben, ou à qui vous serez reconnaissant celui qui vous en donne la mare au lieu de vous laisser couler dans l'eau. Je ne me suis pas occupé de savoir si André Breton était un anarchiste, un anticlérical, un ennemi. C'était la surréalité. C'était un homme qui me disait, et un homme célèbre déjà, avec Picasso à côté de lui, à quelque endroit que vous soyez de la France, je vous tends la main. Alors moi, la fin de ma lettre s'est terminée par la phrase suivante, dont on a fait état partout, « Prêtres, moines et évêques, on fait de moi un révolté, un nihiliste et un désespéré. » Est-ce que vous l'êtes toujours? Alors, mais non, je ne suis pas, je suis le contraire. Mais là, à ce moment-là, je l'étais, puisque je ne pensais plus qu'au suicide, et je signe abbé Jean-Jean Bach, puisque un homme qui portait la soutane s'appelait Monsieur l'abbé. Mais Breton, le sachant très bien d'ailleurs, a joué là-dessus, en disant, en pensant, Monsieur l'abbé, c'est un curé, ce n'est pas vrai. J'étais un séminariste, en étudiant en théologie. Et voilà d'où est partie toutes ces fausses légendes de prêtres défroqués. Ernest de Jean-Jean Bach, vous avez une existence auréolée d'une légende, ça vous le savez. Vous avez eu à votre suite quelques scandales, mais vous les avez voulu. Mais il y a cette phrase, ou plutôt ces phrases d'un journaliste que je tiens pour un grand journaliste et qui s'appelle Gilbert Guimino. Ah, oui. Gilbert Guimino écrivait à votre sujet « Ces jongleries ne doivent pas nous faire oublier la sincérité angoissée d'un homme que son aventure diabolique a mené aux portes de la folie et de la mort, âme errante dans les ténèbres. Oui. » Et j'ai l'impression, Ernest de Jean-Jean Bach, alors que votre femme est près de vous, vous êtes marié depuis près de 20 ans, que vous êtes toujours une âme errante. Ah non. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai dû me servir mon personnage littéraire. Notez que je ne suis pas plus avancé que vous. Je n'ai pas vu la Vierge ni Dieu. Moi, je ne la rencontrerai pas, je crois. Je ne suis pas assez ambitieux. Voyons, il faut que... Vous venez de faire allusion à certaines choses. Est-ce que vous avez lu Huysmans? Oui. Vous le connaissez bien? Je le connais bien. Oui, c'est un peu à cause de lui que je suis réfugié dans une ferme près de la cathédrale de Chartres en ce moment. Alors écoutez, moi, Chancel, si vous connaissez Huysmans, je vous réponds à la petite question parenthèse que vous venez d'ouvrir. Les grands exorcistes ou psychiatres qui sont penchés sur mon cas et qui sont penchés sur le cas de Huysmans disent tous qu'érotisme, satanisme et mysticisme sont des choses très fortement liées entre elles. Mon itinéraire spirituel a de grandes analogies avec celui de Huysmans, avec cette différence que Huysmans vécut les expériences sataniques qu'il relate. Et vous? Il les a faites, lui. Tandis que mon satanisme, à moi, a surtout été imaginaire et littéraire. Là intervient un problème de dédoublement de personnalité avec visite nocturne de démons féminins appelés succubes. Alors là, le surréalisme n'a pas, s'il aboutit à des suicides, le surréalisme n'a pas du tout été une expérience littéraire ni artistique. Le surréalisme, dont a été victime Antonin Artaud, qui était un type génial, était une expérience médiumnique. Autrement dit, si vous lisez un livre qui vient de sortir ces jours-ci de Camille Creusot, Passé et futur énigmatique, que je vous conseille, Je veux dire, nous avons des pouvoirs, nous avons un sixième sens que nous n'utilisons pas, que nous pourrions utiliser, que nous pourrions développer, de communication avec l'autre. Là, vous avez vu Gabriel Marcel, malheureusement, je n'ai pas pu entendre votre... Lui, il s'est penché là-dessus, je pense que vous l'avez questionné. Oui, bien sûr, en fin d'émission d'ailleurs, mais nous aurions voulu en parler plus longtemps. Il a dû vous répondre dans un sens positif. Vous avez la préface de mon livre qui n'est pas paru sur les apparitions de Banneux, où je cite la préface de Gabriel Marcel... préfaçant le livre de Madame de Jouvenel sur l'enfant qu'elle a perdu, et ça, c'est ses correspondances post-mortuaires avec cet enfant. Alors, Gabriel... Il y a Béline également qui parle à son enfant. Ah ben Béline aussi vous a dit des choses absolument exactes, seulement lui n'est pas malgré tout très avancé encore là-dedans. Mais les surréalistes étaient tournés vers le... Alors, les surréalistes ont poursuivi des expériences médiumniques de dictée automatique, comme Chancel. Autrement dit, les surréalistes ont toujours fait dans le domaine supranaturel métapsychique, exactement ce que font les grands mystiques comme le père Pio. Le père Pio a souffert atrocement. Le père Pio, dont on raconte seulement la vie maintenant, le padre Pio en Italie, qui a été torturé psychologiquement par ses confrères, par les moines, chassé par eux, le laissant crever de désespoir et le privant de médicaments à la fin de sa vie, alors qu'il avait apporté à l'ordre des milliards, qu'ils ont accaparés d'ailleurs. Le père Pio avait des dons de bilocation. Il pouvait être vu et entendu par 36 personnes comme le Christ à différents endroits à la fois. Et c'est prouvé par des communistes italiens. En même temps, le père Pio les a sauvés, les a guéris. On ne veut pas s'occuper de ça. Alors, ce sont les surréalistes qui s'en occupent. Vous croyez à d'autres apparitions de la Vierge ? Que lesquelles ? Vous pensez qu'il y aura d'autres apparitions de la Vierge ? Il y en a suffisamment. Maintenant, il y a Garabandal, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il se produit des choses formidables près de Santander, je crois. Alors... Même les non-croyants disent tout se passe actuellement dans le catholicisme comme si la Vierge se rendant compte que le monde ecclésiastique n'apporte plus aux hommes ce qu'ils sont en droit d'attendre de lui, la guérison. Le Christ est venu ordonner à ses disciples non seulement d'évangéliser mais de guérir. Vous ferez les mêmes miracles que moi, vous imposerez les mains, vous guérirez. Alors, on nous présente un catholicisme, c'est ce qu'a révolté les surréalistes, et je les approuve là, anti-magique. On nous demande d'aimer quand nous sommes enfants à Jésus, on nous raconte toute sa vie, et qu'est-ce que faisait ce Jésus qu'on nous fait aimer ? Il passe à côté d'un cercueil, il voit une femme pleurer, il ressuscite l'enfant. Il ressuscite tout de suite, il voit quelqu'un, il impose la main, il guérit. Voilà un homme Dieu, qui chaque fois qu'il passe à côté d'une souffrance ou d'une mort, supprime la souffrance. Qu'il s'agisse de Lazare, il pleure. Lazare, son meilleur ami, meurt, le Christ pleure, le ressuscite. Et on nous dit, au nom de ce Christ, qui lui a donné aux prêtres les pouvoirs de guérir et de soulager, vous devez souffrir, vous devez accepter vos tortures, vous devez en passer en bavé jusqu'à la fin de votre vie. Ce n'est pas vrai. C'est contraire. Je suis contre le masochisme de l'homme. Et dans tous mes écrits, c'est ça que l'Église ne me pardonne pas. Et je sais que c'est moi qui ai raison. Parce que moi, ce qui compte pour moi, c'est le Christ, ce n'est pas l'Église. À tel point qu'un cardinal que je ne veux pas nommer... qui m'écrit presque toutes les semaines, ou tous les 15 jours, ou tous les 3 mois, et un des plus grands princes de l'Église actuelle me dit, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui avez raison, nous sommes infidèles au message du Christ, il ne faut pas trop le dire, parce que si vous dévoilez par trop les torts de l'Église romaine, alors que vous vous proposez dans vos écrits, qui n'ont pas été acceptés jusqu'ici, de tourner vers le Christ, les regards désorientés de tous vos anciens confrères intellectuels, étrangers ou hostiles au catholicisme, alors, il me dit... Il faudrait leur faire comprendre que l'Église, malgré ses infidélités historiques, reste fidèle à son époux, le Christ. Le supérieur des pères blancs d'Alger m'écrit, l'Église reste pour moi ma mère bien-aimée, malgré les turpitudes et les crimes qu'elle a commis au cours des siècles avec l'Inquisition. Et un père franciscain supérieur du séminaire de Bruges me dit, Jean Genbach, je vous en supplie, si vous écrivez un jour quelque chose de beau en faveur du Christ et de l'Église, passez sous silence toutes ces choses abominables qui ont existé. Si l'on écrit une histoire de l'Église, il ne faudra écrire qu'une seule histoire, celle des saints. C'est la seule qui compte, l'histoire des saints de l'Église. Sans ça, si c'est l'histoire politique et humaine, alors on est foutu. Are you going to Scarborough Fair? parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt of the deep forest green. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Sleeps on the wind of a cloudy and calm. Tell her to find me an acre of land, a sprinkling of me. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Between the salt water and sunsy strands and polishes of gum. She'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle mill of blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Ernest de Gingenbach, vous êtes mon invité aujourd'hui et vous êtes, je le rappelle, l'un des phénomènes les plus curieux du surréalisme de toute cette époque, 1925. Vous avez parlé de Breton. Vous avez parlé longuement, Gingenbach, du surréalisme, mais est-ce qu'il y a une bonne définition du surréaliste? Il y a un trou, là. Non. Vous voulez que je résume en deux phrases? Le surréalisme est la révolte contre le... la situation de l'homme créée par un dieu, un démiurge. Pour nous autres occidentaux, qui sommes habitués au catéchisme, même les athées, les incroyants, enfin, ils savent ce que c'est que le catéchisme, on nous explique la souffrance par la condition humaine. N'est-ce pas, la révolte des surréalistes est une révolte non pas simplement contre la condition sociale de l'homme exploité par l'homme dans la société capitaliste. Ce n'est pas grande importance. En changeant les régimes, on ne change pas beaucoup la nature de l'homme, qui est un jouisseur, quelquefois un porc, un ivrogne, un sale type. Mais leur révolte, on ne changera pas du tout cette nature-là de l'homme. Mais leur révolte est une révolte contre la condition humaine, c'est-à-dire d'être humain venu au monde sans avoir exprimé le désir, jeté sur cette planète par des parents qui s'y entendaient, comme l'a dit Breton, plus ou moins bien pour nous y mettre, et sujet à la souffrance, à la maladie, à la décrépitude, à la vieillesse et à la mort. Alors, il n'admettait pas qu'un Dieu bon, créateur de beauté et d'harmonie, ait pu aboutir à cette catastrophe. Alors la thèse catholique, l'explication de ce naufrage formidable dont vous êtes témoin comme moi chaque seconde sur la Terre, puisqu'à la seconde où je vous parle, on se tue. On tue des animaux. Dieu l'a voulu. On meurt, je n'en sais rien s'il l'a voulu. Alors, la thèse des surréalistes était ce Dieu-là et le Dieu mauvais. Il rejoignait les... Pourquoi les surréalistes se sont rapprochés des cathares et des troubadours du Languedoc? Parce que les cathares considéraient que le Dieu que nous adorons, c'est-à-dire le Jéhovah de la Bible, dont on nous parle à chaque instant, était le créateur d'un monde mauvais. Je vous répète, vous l'avez, puisque vous avez failli devenir aveugle, les circonstances de la vie font que nous risquons tous, notre santé, nous décrépissons, les femmes qui sont belles, leurs charmes éphémères se fanent, un jour elles ne sont plus belles. Enfin, nous assistons à des tas de choses, les animaux meurent, les hommes meurent, les civilisations succèdent, et la vieillesse, la décrépitude, la mort, la souffrance, et encore la souffrance, les cancéreux par exemple, abominables, des choses qu'on ne peut pas guérir. Alors c'est ça qui les a révoltés. Alors ils ont refusé d'emblée l'idée catholique du Dieu bon. Et la catastrophe planétaire par la faute de l'homme originelle. Alors, cette faute de l'homme, c'est la femme qui en est cause au départ, avec sa complicité avec le Satan, n'est-ce pas, sous la forme d'un serpent. Lequel serpent s'appelait Lucifer. Or, ce Lucifer avait promis à l'homme et à la femme, au paradis, vous serez comme des dieux connaissant la science du bien et du mal. Il se trouve que dans ce combat-là, le Jéhovah de la Bible a triomphé et que Lucifer a perdu la partie et qu'Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre et revêtus de pauvres peaux de bêtes. Et ensuite est arrivé ce qu'on nous appelle l'âge quaternaire, l'âge ceci, l'âge cela, jusqu'à notre révolution, jusqu'en 1972 avec le costume civil, le confort de la civilisation. Si on est arrivé un peu de confort et de bien-être, on le doit à l'homme. Si ça ne tenait qu'à Dieu, on était condamné là à l'accouchement dans la douleur de la femme. Alors, eux, révolte totale contre le démiurge judéo-chrétien et leur... Breton n'a pas cessé de le réclamer dans tous ses écrits, leur complicité totale avec Lucifer, seul sauveur. Mais là, ils rejoignaient les cathares du Languedoc. Mais oui, mais où en êtes-vous aujourd'hui, vous, maintenant que vous avez dit ce qu'était le surréalisme, où en êtes-vous, vous, aujourd'hui, avec l'Église? Avec quelle Église? L'Église. Attention. Ce n'est pas moi qui parle ici, c'est le cardinal dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut bien distinguer deux choses. Il y a l'Église. L'Église est une société humano-divine. Il y a l'Église des saints. Et ils existent. Quand on voit, vous n'avez pas eu l'occasion d'interviewer, parce qu'il n'y en viendra probablement pas ici, cette religieuse admirable qui soigne les cancéreux et les lépreux des Indes, qui a eu le prix de je ne sais pas quoi, Vatican, quand vous voyez les choses, un franciscain dans un camp de concentration au moment où un père de famille va être envoyé au four crématoire, demander qu'on l'ait renvoyé à sa place, vous ne pouvez tout de même pas nier qu'il faut tout de même une fameuse force nucléaire, mystique, au sein d'un homme, pour qu'il demande d'aller au four crématoire à la place d'un autre. Et je voudrais bien que tous nos francs-maçons, tous nos surréalistes, néo-surréalistes actuels, nos existentialistes à la Losfeld et autres, en face au temps. Alors il y a cette église admirable qui existe, l'église des saints, dont je voudrais faire partie, dont je suis indigne de faire partie. Et puis il y a l'église officielle avec les belles chasubles, les beaux surplis du Vatican, les machins diplomatiques, les décors grandioses et tout, qui, je ne me gêne pas. Mais enfin, elle a son apparat, elle a cette théologie, son dogmatisme un peu autoritaire, et ce n'est pas celle-là. Alors, quand vous questionnez les mystiques dans les cloîtres, ils vous disent, écoutez, Jean Genbach, il y a deux églises. Il y a l'église de Saint-Jean, l'église d'amour, et puis l'église de Saint-Pierre, celle de la quadrature romaine, avec les cardinaux qui sont les anciens successeurs des préfets romains, et les évêques, les sénateurs romains, les évêques qui sont les anciens successeurs, et les juridiques administratifs. Tandis que l'église, la vraie, on en voit des représentants tous les jours, l'église d'amour. Alors celle-là, elle est charismatique, elle est caritative, elle est pour la charité, pour l'amour. On a des épreuves formidables aussi. Il y a une chose que je ne comprends pas, Ernest. Alors moi, je me suis bagarré contre l'église officielle qui m'empêchait de... Mais vous vous battez encore aujourd'hui, d'ailleurs, contre cette église officielle. Ah oui, mais il y a une chose Mais il y a une chose que je ne comprends pas, Ernest de Jean-Genbach. Bon, vous avez refusé l'Église à un certain moment, vous avez vécu... vous avez vécu l'aventure surréaliste. J'ai refusé une certaine Église. Mais vous auriez pu partir sur les traces, par exemple, du père de Foucault, ayant eu une vie, disons, dissolue. Vous auriez pu vous retrouver dans les sables du Sud africain. Je ne sais pas du tout. C'était trop dur pour vous. Oui, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous êtes un pirate mystique. Ça ne s'est pas passé comme ça. Oui, évidemment, ça c'est très facile. Oui, je vois bien où vous voulez en venir. Notez que les saints ont eu des grandes tentations, puis ont fini par les vaincre. Enfin, saint Augustin, vous savez, saint Augustin, qui est un des plus grands docteurs de l'Église, avait une maîtresse, et il donnait des rendez-vous d'amour à la cathédrale de Carthage, avant de devenir un saint. Moi, je ne suis pas un saint. Vous avez l'air de me parler comme si, obligatoirement, je devais être un saint. Mais non, je ne parle pas comme un saint, mais puisque vous avez fait un pacte mais avec ça le diable. Mais ça n'empêche pas que ce coureur de jupons est devenu un docteur de l'Église. Voilà ce que je leur dis toujours à tous nos grands prélats, qui sont très fiers de leur virginité plus ou de leur chasteté plus ou moins réelle. Alors, écoutez, moi, vous me racontez l'histoire de Perpignan, là. Quand j'ai eu fait... Attendez... Quand Crevel s'est suicidé, j'avais un hôtel particulier en style empire à Plombières-les-Mains. Je vivais dans le grand confort et c'était grâce à Clémenceau, tout ça. C'est lui qui m'a aidé. Lui, alors, dès qu'il a su de quelle façon on m'avait mis à la porte de l'église, il m'a aidé complètement. J'avais donc... Et puis une maison d'édition à Paris. Alors, je reçois des offres de l'église qui me disent, si vous revenez, vous êtes fait pour nous, ça c'est exact. Vous avez été élevé par nous, formé par nous, vous avez été allaité par l'Église romaine, vous pouvez être heureux que chez nous. Revenez au giron de l'Église et on vous refera une vie digne de vous, puisque c'est tout de même nous qui vous avons chassé de l'Église pour une peccadille. On vous a vraiment fait cette promesse? Oui, oh ben j'ai les lettres, là, oh là là, j'ai une correspondance ecclésiastique, mais vous me direz, après tout, il voulait que je devienne un saint comme vous, pourquoi vous n'êtes pas devenu un nouveau père de Foucault? C'est toujours le Moi, je ne l'ai jamais voulu. Moi. Bon, vous n'avez jamais voulu. En attendant... Il y avait un comité de sauvetage de Jean Genbach qui comprenait Louis Massignon, que vous n'avez jamais pu interviewer, je crois, puisqu'il est mort, le maréchal Franchet d'Esprez, François Mauriac, enfin toutes sortes de personnages illustrissimes de l'église de l'Académie française catholique, etc. Alors on me dit, après ce que vous avez fait, il n'y a que deux solutions, celle de Psychary ou celle du père de Foucault. Psychary, petit-fils d'Ernest Renan, l'ennemi formidable de l'Église, devenu, grâce à l'armée, un converti. Alors, c'était la Légion étrangère qu'on me proposait, pour me refaire une virginité. Ou le père de Foucault, alors l'Ermitage dans le sud de Rennes. Mais ce n'était pas ça qui était convenu au départ. Il était question d'une réparation d'injustice pour me réintégrer dans l'univers catholique romain. On me dit, oui, mais on réparera, on vous remettra dans l'univers catholique romain au bout de 5 ans de silence probatoire, quand vous aurez fait oublier pendant 5 ans. Oui, mais jamais l'Église n'aurait pu admettre un pareil contestataire. Vous étiez quand même au-delà de tout ce que peut être l'Église. Enfin, peu importe qu'elle voulait, toujours est-il comme un mis un marché en main. Vous étiez le contraire de la sagesse. Alors, j'ai raconté dans l'expérience démoniaque, je suis parti jusqu'à Perpignan, je devais aller au sud de Rennes à rejoindre un franciscain par le paquebot de Georges Philippard, qui partait de Port-Rouen. Et alors, c'est là... Alors, j'avais reçu une somme d'argent pour mon viatique, pour partir. Notez que j'avais tout perdu, ma maison d'édition, je n'avais plus rien du tout. Il fallait bien que j'en passe par les conditions d'église. C'est là que s'est produit cette fameuse histoire que j'ai trouvé que pour vendre... Bagnouls, plutôt. J'étais allé à Bagnouls. C'était très agréable. J'ai vu une perpignanaise. Et je me suis fait rembourser le billet du bateau. Et j'ai coulé 8 jours très agréables avec une catalane française. Et j'ai dit, je ne serai jamais ermite, c'est pas la peine, c'est inutile. Mais vous le saviez déjà au départ. Et j'ai été approuvé, j'ai été approuvé par... Vous trichiez là. D'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas un peu triché toujours? Ah ben je n'avais pas d'autre solution. Vraiment pas? Ah non. Alors j'ai été approuvé par l'évêque de Dijon, Mgr Petit Jules Vite, qui venait de devenir archevêque de Rouen, qui me dit non, c'est absolument insensé, vous n'avez rien à faire chez les pères du désert. Imaginez quand vous avez chez les pères du désert, vous. Mais je n'ai jamais cherché, moi, à aller... Oh, je m'en doute. Tandis que vous cherchez toujours. Et je me demande, mais je parlais de tricherie. Est-ce que la plus grande tricherie, ça n'est pas de tricher avec soi-même? Écoutez, j'ai ici... Est-ce que vous avez bien traversé votre désert? J'ai ici la correspondance d'une des plus grandes dames de l'Europe, qui est une princesse de sang royal, dont la famille est affiliée à celle du comte de Paris. Et qui cherche, elle cherche. Elle n'a plus aucune confiance dans les théologiens ni dans les cardinaux. C'est très beau de chercher, faut toujours Alors, chercher, elle me dit, peut-être que c'est moi qui ai tort, je suis une grande dame, j'ai des châteaux, je suis multimillionnaire. Si j'avais le courage de me faire laveuse de carreaux ou de trimer comme une pauvre femme du peuple en faisant oublier qui je suis, peut-être je découvrirais la vérité comme les gourous des Indes. Autrement dit, mais pourquoi ne le fait-elle pas? Oui, ça m'étonnait. Je croyais que vous alliez me dire pourquoi ne le faites-vous pas. Pourquoi ne le fait-elle pas? Je n'en sais rien. Pourquoi voulez-vous qu'elle soit héroïque? Je crois, alors, si vous... Mais elle pose la question. Ah, je tiens à vous dire une chose. J'approuve absolument votre question. Si j'étais un saint, seulement étant marié, je ne peux tout de même pas obliger ma femme à suivre cette voie-là. Hein. Vous êtes marié. Si votre femme n'était pas là, vous l'avez dit tout à l'heure, vous rentreriez au monastère. Oui, mais ma femme ne tient pas du tout à me suivre sur cette voie ascétique. Et elle estime, et je crois qu'elle a bien fait, m'avoir rendu la paix de l'âme en m'embourgeoisant. Tandis que si j'avais cédé, vous pouvez lui demander, si j'avais cédé à ma propre pente, j'aurais tout abandonné, mes vêtements, mes bouquins, n'importe quel appartement, pour vivre n'importe où comme un gourou, comme un mendiant, comme Lanza del Vasto, il a fait la même chose. Lanza del Vasto, très riche, vous le savez, partout, je ne sais pas si vous l'avez interviewé un jour ici, est parti un jour. Alors lui, qui avait tout de même un compte en banque formidable, a dit, je vais essayer d'être vagabond. Il l'a fait. Il a été arrêté, on l'a emprisonné un peu partout, puis il s'est considéré comme vagabond. Et puis, il cherchait la vérité, il était allé trouver Gandhi. Il a vu Gandhi. Gandhi lui dit, mais à quoi ça rime tout ce voyage que vous faites pour venir jusqu'à moi? Moi, sur ma table de nuit, j'ai l'évangile avec les béatitudes du Christ. Alors voilà mon Lanza del Vasto qui pensait découvrir la vérité aux Indes, qui s'est dit, c'est tout de même bête, alors la vérité de l'évangile, et maintenant il vit comme un parfait chrétien, avec une communauté qu'il a réunie autour de lui. Et alors, lui qui ne croyait plus au catholicisme romain, quand il est revenu un peu avant Marseille, qu'il a entendu l'Angélus sonner à Notre-Dame de la Garde, il a pleuré. Alors au fond, il s'agit de savoir ce que nous sommes viscéralement. On ne devine qu'à certains moments. On se dit, tiens, j'ai à côté de moi, dans le petit pays où j'habite, une pauvre femme qui s'est suicidée. Je l'ai très mal... Elle est venue plusieurs fois me voir. Et ma femme m'a dit, tu n'es pas gentil avec cette femme, c'est une pauvre femme du peuple, qui était concierge à Paris, puis alors elle habitait, là, pas loin de chez moi, et alors elle ça n'allait plus, elle m'a dit cette fois, c'est tout de même terrible que quand on souffre avec le sale monde dans lequel on vit, on ne sait pas à quelle porte frapper. Si on va dire à quelqu'un, je souffre, est-ce que vous pouvez m'ouvrir la porte un petit peu, puis que je parle? Elle aurait voulu pouvoir rentrer chez quelqu'un, puis dire, je souffre, il faut que je parle. Et vous n'avez pas eu envie de parler? Mais je lui ai répondu, est-ce que c'est un apéritif que vous voulez? Qu'est-ce que c'est qui vous ferait plaisir? C'est pas ça du tout qu'elle voulait, ma femme me l'a dit après, mais il était trop tard. Et ma femme aussi aurait pu lui parler. Elle ne l'a pas fait, parce qu'elle ne voulait pas être indiscrète, lui dire, mais qu'est-ce que c'est qui ne va pas? Et puis un beau jour, sans qu'on sache pourquoi, elle avalait un petit flacon de... Voilà. Alors là, je me suis dit, si j'avais cédé, et j'ai failli le faire, j'aurais répondu comme le prêtre que je devrais être. J'aurais parlé en prêtre. Et je me suis dit, au fond, tu lui aurais parlé comme l'homme que tu n'as pas pu être et que tu aurais voulu être. Tandis que ton machin affublé ton personnage littéraire de Jean Genbach, écrivain surréaliste. Mais vous passez, Jean Genbach, qu'un jour vous serez prêtre? Ah, pas du tout, je suis marié. Plus tard. Comment plus tard? Il peut y avoir de l'espoir dans l'Église pour vous. Quel espoir? Tant que je suis marié, je ne peux pas être prêtre. Vous me parliez tout à l'heure d'un au-delà. Ah, d'une réincarnation. Ah oui, oui, ça c'est possible. Bon, vous dites parfois que nous sommes à deux pas de la grande catastrophe apocalyptique et que tout le monde se distrait, tout le monde s'en fiche. Oui. Alors, vous pensez vraiment que nous sommes à deux pas de la fin du monde? Ah, je vous ai dit que les écritures, qu'il s'agisse des écritures apocalyptiques chrétiennes de Saint Jean ou des écritures de l'Inde, dont René Guénon s'est fait l'interprète, nous dit, avec l'Apocalypse de Saint Jean correspond exactement au Kali Yuga des Hindous, c'est-à-dire l'âge sombre qui est la conclusion d'une civilisation par période cyclique. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Monsieur Mazière vous a dit l'autre jour que nous allions passer de l'ère du poisson dans l'ère du Verseau. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des civilisations antérieures, il y aura d'autres civilisations après nous, mais enfin. Tout cela, on le sait. Abellio, qui s'est penché sur ce problème, dit que nous allons assister à un drame terrible et qu'il n'y aura plus de solution pour les gens, les hommes qui méritent ce nom, qui ont une âme, enfin, qu'entre le nihilisme et la sainteté. Nous avons la preuve en ce moment de cet effondrement, de ce glissement les uns vers le nihilisme total, et paraît-il, il se passe des choses merveilleuses dans les cloîtres, enfin vers une certaine sainteté, mais qui n'est pas connue encore. Alors, en 1945, un peu après la libération, je suis allé dans l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, qui est près de l'ancien dolmen qui porte le même nom, qui s'appelle la Pierre-qui-Vire. C'est une pierre qui vire. Et j'avais Bernanos, qui avait énormément souffert, qui avait créé les grands cimetières sur la Lune, qui avait, tout de même, mené le grand combat en faveur d'un retour à une chrétienté médiévale, royaliste, avec une papauté théocratique et un roi en France, et qui avait envoyé son fils combattre à côté de Franco, avait perdu toutes ses illusions, il avait voulu se refaire sa vie en Amérique latine. Alors il m'avait écrit au moment où je m'occupais de cette question de la bombe atomique et de l'apocalypse. Et alors j'étais chez le comte Tolstoï au bord de la Loire, à côté d'Amboise. Et il me dit qu'il regrettait que les prédicateurs catholiques ne parlent pas assez de l'apocalypse. Alors, il avait terminé sa lettre, je vous donne les 10 lignes qui terminent sa lettre. Bernanos m'écrit: c'est précisément parce que j'ai écrit La joie à l'imposture, c'est le titre d'un de ses livres, que je puis dire plus ou moins efficacement ce que je pense d'une église de France qui, ayant depuis le ralliement, c'est-à-dire depuis l'époque où la royauté en France a moins d'une voix, a cédé le pas à la Chambre, à la République. Lisez la lettre de Bernanos parce qu'on vraiment l'oublierait. C'est précisément parce que j'ai écrit La joie à l'imposture que je puis dire plus ou moins efficacement ce que je pense d'une église de France qui, ayant, depuis le ralliement, tout sacrifié à l'opportunisme, ne saurait avoir d'excuses pour s'être compromis jusqu'au cou dans le nouvel ordre des académiciens, des amiraux et des cardinaux dont la faillite était pourtant certaine. Et là, c'était les cardinaux en question, c'était les cardinaux qui étaient pour Vichy. Le plus sûr témoignage de la conquête du monde par Satan, voilà ce que je trouve d'important. Ce n'est pas la bombe atomique, mais je lui avais dit, je crois que la chose la plus satanique de notre époque, c'est la bombe atomique. Le plus sûr témoignage de la conquête du monde par Satan, ce n'est pas la bombe atomique, c'est la lâcheté des gens d'église, en face d'une société qui depuis des siècles se fortifie contre Dieu, mais avec laquelle ils n'en sont pas moins toujours disposés à signer des concordats avantageux. Quant à cette bombe atomique dont vous me parlez, je pense qu'elle donne quelques chances à l'homme seul, en face des colossales organisations économiques qui ne mériteront plus bientôt le nom de patrie et croyaient à jamais assurer leur domination par la production. Qu'un homme seul, avec un seul engin, puisse faire trembler demain peut-être Londres, New York ou Moscou, cela me semble au contraire assez consolant. On imagine un futur Jean Bart fumant sa pipe devant le tonneau de poudre atomique et disant aux hommes modernes devenus d'irrémédiables salauds: un pas de plus et je fais sauter la planète. Monsieur, je vous présente mon respect, Bernanos. Vous êtes pour la bombe atomique, vous aussi, là? Non. Non, non, non. Je suis... Ah non, si je cédais à ma pente de poète, je suis pour le paradis de Baudelairien. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, conciliable avec les magnifiques splendeurs de la liturgie catholique. Ernest... Ça ne marche pas ensemble, mais enfin, c'est comme ça. Ernest de Jean-Jeanbach, est-ce que vous attendez un nouveau messie, vous? Non, il est venu. Si on lui était fidèle, tout serait bien sur Terre. Vous m'aviez dit... Krishnamurti, j'étais à la Société de Théosophie pendant longtemps. Il n'y a pas de nouveau messie, il est venu. On ne fera rien de mieux, comme le disait Gandhi, que les béatitudes. Vous m'aviez écrit plusieurs fois, vous me disiez, j'ai des choses à dire, est-ce que vous pensez avoir pu les dire? J'ai des choses à dire, quoi? Est-ce que vous pensez avoir pu les dire? Je crois que je dis ce que j'avais à dire. Merci, Ernest de Jean-Jeanbach. C'était Radioscopie du 7 novembre 1971, dans laquelle Jacques Chancel recevait le poète surréaliste Ernest de Jean-Jeanbach. Une émission présentée et remontée par Stéphane Combe. Demain à 23h10, un autre genre totalement différent, Isabelle, la comtesse de Paris.